Alors, comme je viens de le mentionner, on va commencer cette première émission de la saison avec Geneviève Gay qui va venir nous parler d'agriculture urbaine. Alors, l'agriculture urbaine, dans sa définition la plus simple, représente le fait de faire pousser des aliments en milieu urbain. Hein, le nom le dit, je crois bien. Quand on pense à l'agriculture urbaine, on pense tout de suite aux jardins communautaires, aux balcons agrémentés de pots de tomates, pots de basilic, les fines herbes, tout ça. On pense aux activités agricoles que l'on fait pour soi, chez soi. Ces activités peuvent nous paraître assez marginales, assez locales, chaque individu fait un peu ce qu'il veut. Mais dans les faits, de plus en plus de grandes villes réalisent des projets d'agriculture urbaine, et ce, à plusieurs échelles différentes. Geneviève Gay est ici, comme je disais, pour nous parler de la tendance qui est en expansion dans plusieurs grandes villes du monde, dont Montréal et Québec. Alors, bonjour Geneviève. Bonjour Christiane, ça me fait plaisir d'être la première chroniqueuse de la saison. Quel honneur! Oui. Alors, comme tu le mentionnes, l'agriculture urbaine, ça comprend le jardinage qu'on fait chez soi, les fruits et légumes qu'on fait pousser pour sa propre consommation. Le plus souvent, cette forme d'agriculture est faite pour le plaisir d'abord et avant tout, mais on assiste à l'émergence d'une tendance qui est l'agriculture urbaine multifonctionnelle, que j'appelle, qui permet de nourrir la population, puis qui permet aussi de répondre à des problématiques à la fois environnementales, sociales et économiques. C'est cet aspect multifonctionnel qui rend la pratique d'agriculture urbaine aussi pertinente pour les villes. Et ça, qu'il s'agisse d'une production industrielle, familiale ou communautaire, que les produits soient consommables ou non, qu'ils se présentent sous forme de pots en pleine terre, même l'hydroponie, qui concerne la sphère privée ou publique, l'agriculture urbaine se révèle à travers le monde sous diverses formes. Puis c'est pas un hasard si on assiste à un regain d'intérêt pour l'agriculture urbaine. Puis je dis bien regain parce que il y a toujours eu, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de l'homme depuis que c'est sédentarisé, il y a toujours eu de l'agriculture urbaine. Souvent, c'était les gens s'autosuffisaient en termes d'aliments chez eux. Donc, depuis toujours, même dans les grandes villes, les grandes cités, oui. Il y avait des gens qui cultivaient à l'intérieur de. Oui, puis il y a certaines cultures qui ont maintenu ces habitudes-là. On a juste à penser au jardin de la Petite Patrie, les ruelles de la Petite Patrie à Montréal. Les Portugais et les Italiens qui ont vraiment des jardins magnifiques. Oui, on a la culture des jardins. C'est hein, ça, eux, ils l'ont. Et ça, c'est en pleine ville, puis c'est de leur propre initiative. C'est souvent des traditions qui sont transmises au fil des années, au fil des générations. Donc, on se pose, en ce moment même, en milieu urbain, on se pose bon nombre de questions en lien, justement, avec la viabilité puis l'habitabilité continue des environnements urbains. On se pose des questions sur les façons d'améliorer la santé publique, on se questionne sur l'accessibilité aux aliments sains, aux espaces verts, on s'inquiète de la qualité de l'air et de l'eau, c'est des thèmes récurrents, ça revient tout le temps. Là. On réfléchit sur les façons d'assurer un développement économique durable, puis sur les potentiels aussi de l'engagement communautaire. À toutes ces questions, l'agriculture urbaine va s'imposer comme une réponse potentielle, ou bien plutôt, je dirais, comme un catalyseur qui permet de stimuler des changements à la fois dans la façon de voir, mais à la façon d'habiter la ville. En plus, ça offre des opportunités aux résidents de s'impliquer dans des aménagements qui leur sont bénéfiques à long terme pour leur santé et celle de leur environnement de vie. Évidemment. Donc, comme tu venais de l'aborder, il y a l'agriculture urbaine fonctionnelle. Oui. Donc, si je comprends bien, c'est pas juste comme par plaisir, il y a vraiment une fonction à cette agriculture-là. En quoi ça consiste exactement? Ça se vit, l'agriculture urbaine se vit puis se développe sous de multiples formes puis dans une multitude d'espaces. Donc, en plus des jardins privés, on mentionnait, il y a les jardins collectifs communautaires, les jardins sur les toits et même les jardins sur les murs. Sur les murs? Oui, des jardins verticaux. Donc, verticaux, on fait pousser des aliments. Oui, c'est en développement puis ça donne de très, très bons résultats. Wow, ouais, c'est impressionnant. Ça fait quand même plusieurs fois que je le mentionne, les jardins verticaux. Je sais pas, je vais faire une chronique. Ça serait très intéressant de l'aborder. Je crois pas qu'à Québec, il y en a. J'en ai jamais vu. C'est marginal, mais oui, il y en a qui s'essaient. Mais sérieusement, ça donne des beaux résultats. Wow, à Montréal, il y en a, j'en ai vu. Ça doit être vraiment intéressant. Dans les villes qui font face à l'insécurité et à l'insuffisance alimentaire, c'est-à-dire dans pratiquement toutes les villes du monde, il est pertinent de favoriser par en finançant de façon soutenue des initiatives telles que l'agriculture urbaine, on favorise à ce moment-là la production de denrées alimentaires de qualité puis en quantité suffisante pour nourrir la population dans le besoin. Justement, aujourd'hui, je suis tombée sur un article, une étude américaine qui a été faite par l'Université de l'Ohio, qui montre que les villes pourraient être autonomes en production alimentaire. Okay? Autonomes? Complètement autonomes. Wow! Mais c'est sûr que, il y a des grandes variances, tout ça, mais quand même, si on prend... si seulement 80% seulement, c'est quand même beaucoup, 80% des lots vacants qui seraient transformés en jardins communautaires ou en... Parce que la plupart des villes ont beaucoup de lots vacants. De lots vacants, oui, oui, tout à fait. Un peu disséminés un peu partout. Il y en a qui sont propres à la culture, il y en a qui sont contaminés. Okay. Bon, tout ça, mais on parle de lots vacants. Oui. Si on transformait 80% des lots vacants, alors à ce moment-là, la ville pourrait s'autosuffire entre 22 et 48% en produits maraîchers. Qui pourrait s'autosuffire en 25% pour la volaille et les œufs et 100% pour le miel. Donc, et puis là, les coûts de transport sont nuls. Ben, exactement. C'est ultra local. C'est des produits de qualité très, très frais, tout ça. Et ça crée de l'engagement aussi pour les gens de la place. Bon. Mais plus intéressant que ça, si on rajoute à ce 80% de lots vacants-là, on rajoute 9% des lots résidentiels qui offrent finalement une superficie destinée à la culture. Et 62% des toits industriels et commerciaux qui seraient transformés en zones de culture aussi. À ce moment-là, c'est entre 46 et 100% des besoins en produits maraîchers qui seraient comblés. 94% des besoins en volaille et en œufs et 100% du miel encore. C'est des énormes chiffres. C'est quand même assez, c'est quand même impressionnant. C'est ça. Sauf qu'évidemment, la faisabilité de ça au niveau de la politique municipale. C'est obstacle, là. C'est théorique, mais c'est quand même très intéressant de voir le potentiel. Il y a beaucoup de potentiel qui est très peu exploité, finalement. Exactement. Donc, on va revenir à notre... J'ai fait un petit... C'est tellement intéressant. Par exemple, on a une image de monde meilleur, on dirait. Oui, oui. Puis c'est tout proche. C'est tout fait. C'est tout proche. On a tout ce qu'il faut. On a tous les toits sont là, tout est là. C'est sûr que pour les toits, tout ça, ici au Québec, avec la neige, tout ça, le surplus de neige, il faudrait adapter les méthodes culturelles, peut-être faire ça en pot. Parce que si on fait ça en pleine terre, sur les toits, il faudrait consolider les structures, etc. Mais pour les bâtiments non encore existants, c'est qu'on parlait des lots vacants, tout ça. Si on veut pas transformer tous les lots vacants, à ce moment-là, les constructions qu'on va faire là-dessus, ça serait quoi? De prévoir une structure plus solide. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Il y aurait, ici au Québec, c'est peut-être un peu différent que dans le sud ou tout ça, mais quand même, il y a un gros potentiel il est palpable, il est réel. Donc, bon, on continue. Donc, l'agriculture urbaine fonctionnelle, on revient à ça, c'est pas juste la production de fruits et légumes. On peut joindre d'autres de culture, comme je le mentionnais, l'apiculture, la mycoculture, les champignons, ou encore l'élevage de poulets. Là encore, il y a de plus en plus de villes qui adoptent des règlements pour permettre de garder des poules chez soi. Moi, je suis un petit peu mitigée par rapport à ça, parce que si tout le monde se met à avoir des poules, c'est pas tout le monde qui s'en occupe convenablement. C'est ça. Alors, donc, il faut des bonnes réglementations. Pour la santé publique, ça peut poser un problème. C'est comme à Hong Kong, souvent, il y a beaucoup de gens qui gardent leurs poules, mais... Exactement. Il y a comme une éducation à faire. C'est facile des poules, mais c'est facile de faire le contrôle aussi. C'est ça, j'imagine, pour un bon encadrement. Exactement. Là. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est quand même... L'idée est là et le potentiel est là encore une fois. Ça se garde dans vraiment un peu d'espace des poules. Donc, il y a l'élevage de poulets, il y a les... Excusez, j'ai perdu mon fil. Alors, l'agriculture urbaine fonctionnelle, bon, c'est une façon aussi de minimiser les transports, comme tu le disais. Tout est sur place déjà. On favorise l'achat local. On ne peut plus local. Hein? Exactement. Puis c'est une façon aussi d'inciter les résidents à créer puis à maintenir des jardins communautaires et des toits jardins. Donc, tout le monde est impliqué. Là. C'est pas tout le monde qui est intéressé, mais c'est quand même les gens qui le sont. On a le droit de le faire aussi. Donc, en milieu urbain, les terrains cultivables sont de plus en plus rares. Puis, on l'a vu dans le cas là, de la ferme SMA, là, bon, oui. qui a été... Il y avait le projet de créer une grande ferme urbaine, puis tout ça, ça a été soustrait. Il y a un groupement qui se bat pour garder quelques hectares. Quelques hectares, ça serait la moindre des choses et ça serait très, très faisable. Il n'y aurait aucune pénalité tant qu'à moi. Bon, ils se retrouvent souvent, ces terrains-là, dans la mire des promoteurs immobiliers. OK. Exactement. Avec raison, en quelque sorte aussi, c'est des terrains à haute valeur, tout ça, sauf que il y aurait intérêt à intégrer puis à diversifier les façons de pratiquer l'agriculture en milieu urbain sur ces terrains-là. Donc, de beaux projets ont vu le jour à Québec ces dernières années. On a juste à penser là au jardin sur le toit de la maison de Laubrivière. Là. Oui, j'ai entendu parler de ce projet-là. Hein? Donc, ils ont installé un potager sur le toit du bâtiment de la maison Laubrivière, qui est une soupe populaire. Là. C'est ça, exactement. C'est une maison pour les personnes démunies. Les itinérants, les personnes en réinsertion sociale, donc... C'est un peu plus approprié, en tout cas. Effectivement, oui, puis c'était une très grande superficie de toit plat qui était inoccupée. Il y avait personne qui s'occupait de ça. C'était une grande superficie minérale aussi, avec du bardeau ou peu importe ce qu'il y avait là-dessus. Donc, c'était destiné à à provoquer l'effet d'îlot de chaleur en milieu urbain. Donc, Geneviève, est-ce que tu es au courant si ça leur a demandé beaucoup d'infrastructures pour convertir ce toit-là en toit? Pas tant que ça, parce qu'eux autres, ils pratiquent, ils font la culture, je vais plus le détailler tantôt, ils font ça en bac. Donc, c'est pas permanent, si on veut, tu sais. Ça ne demande pas, là, de refaire le toit, puis de... C'est ça, tu sais. Donc, on sait très bien le poids que la neige peut avoir. Bien, le poids de bac de légumes avec de la terre, c'est sensiblement la même chose. Donc, c'est ça. Nos structures sont déjà faites pour endurer le poids de la neige. C'est les deux ensemble. La terre et la neige, ça, c'est une autre histoire. Mais bon, dans ce cas-ci, c'est des bacs. Donc, eux autres, leur culture permet de fournir une partie des légumes, des fines herbes qui rentrent dans la préparation des 500 repas qui sont produits par jour. Ça se fait dans les bacs, comme je vous l'ai dit. Il y en a à peu près 500 qui couvrent une superficie de 2500 pieds carrés. C'est quand même très grand, c'est très impressionnant. Ouais, et voilà. Donc, en 2010, il y a près de 2 tonnes de légumes qui ont été produits. Donc, ça donne une idée, là, le potentiel productif. C'est d'une grande envergure, quand même. C'est gros. Ben, ça fournit, là, comme je vous dis, ça fournit en bonne partie les besoins en fruits et légumes frais pendant la saison estivale. Et même au-delà, parce qu'ils font ils sont capables de faire de la conservation. Donc, c'est un organisme à but non lucratif, les urbainculteurs. Ça serait vraiment intéressant un jour d'en inviter quelques-uns. C'est passionné, là. Oui, il en parlerait passionné vraiment, là. C'est des gens très, très convaincus et convaincants. Les autres, ils ont initié le projet avec l'aide financière de la Fondation GDG. Donc, grâce à ce don-là, mais l'équipement, maintenant, il appartient à la maison. Puis le potager va pouvoir se perpétuer de façon là, ben, autonome. Pas vraiment, ben, ça demande quand même des efforts. Sauf qu'on le sait, c'est des gens qui sont en réinsertion sociale, des gens dans certains besoins, puis tout ça. Donc, ça les encourage. Les gens les encouragent à participer aux tâches. Ils se mettent vraiment la main dans la terre. Si on se rend utile... Donc, c'est ça, ouais. Ça fait du jardin en même temps, c'est ça, un outil de réinsertion sociale. Il y a de nombreux bénévoles aussi, des personnes âgées ou des gens simplement curieux et intéressés, tout ça, qui participent au projet. Donc, ça contribue à l'autonomie alimentaire de la maison, puis ça permet aux participants de tisser des liens sociaux puis de comprendre la valeur et l'utilité du jardinage utilitaire. Et faut-il le mentionner, un tel toit-jardin contribue au verdissement du paysage urbain puis aide à contrer l'effet de l'îlot de chaleur que je mentionnais tantôt, là. Donc, c'est vraiment une superbe réalisation, mais en général, est-ce que l'agriculture urbaine est vraiment reconnue au Québec? Là, il y a ce projet-là, mais globalement, est-ce que c'est quelque chose qui... Bien, ça s'en vient tranquillement. Work in progress. Oui, hein? C'est le Québec. Mais si on se compare à d'autres villes nord-américaines comme, mettons, New York, Toronto, Vancouver, pour ne nommer que celle-là, bien, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Les projets d'agriculture urbaine extensive sont encore marginaux, puis ça relève d'initiatives privées ou communautaires surtout. Sauf que cet été à Montréal, il y a eu la troisième édition de l'École d'agriculture urbaine qui est organisée par le CRAPO, c'est le collectif sur l'aménagement paysager et l'agriculture durable. Bon, mais eux autres, ils ont créé une charte. Grâce à la démarche citoyenne participative, il y avait au-dessus de 150 participants pour la création de cette charte-là. Donc, cette charte-là, elle vise l'intégration et la reconnaissance de l'agriculture urbaine dans les politiques municipales, provinciales et nationales, ce qui n'est pas rien et c'est essentiel finalement. Ce qui ferait que l'agriculture prendrait vraiment une envergure. Mais ce serait. Il faut que ça soit intégré dans la réglementation, dans l'aménagement, dans les schémas. Ça l'officialise la chose. Ça enlève le côté marginal. Exactement. Donc, finalement, on l'intègre à la politique d'aménagement du territoire pour valoriser le potentiel de production puis de distribution alimentaire. Là, c'est à Montréal, ça. Donc, la charte. Elle considère l'agriculture urbaine comme pertinente pour promouvoir la sécurité alimentaire, pour proposer des aliments frais et sains à faible coût, pour contribuer au verdissement du milieu urbain, pour diminuer les émissions de pollution liées au transport, puis pour promouvoir des formes d'interaction sociale. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. C'est logique. On n'est pas surpris. Là, c'est pas dur de convaincre. C'est ça, exactement. Sauf que ce n'est pas encore intégré dans les politiques municipales. Est-ce que c'est une question de climat? Parce qu'au Québec, évidemment, l'été est moins long ou moins chaud peut-être qu'à New York ou à Toronto. On produit autant. C'est une question de ça. C'est une question de choix aussi d'aliments. Là. Le choix de société. Les aubergines, les piments, ça ne pousse pas. Ici à Québec, ça a peut-être un peu plus de misère, mais bon, on choisit les légumes en conséquence. Oui, c'est ça. Là. C'est pas une question de climat. Là. Donc, l'agriculture urbaine, c'est une activité qui concerne tout le monde. Oui, ben oui. Sauf qu'évidemment, je le disais, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à l'agriculture. Bon, c'est pas tout le monde qui veut se mettre les mains dans la dalle. Tout le monde, chaque individu. Non, sauf que les citoyens d'une ville devraient avoir la la possibilité de le faire si tel est leur souhait. Sans que ça soit trop ardu, trop difficile. Puis les gens qui n'ont pas nécessairement l'espace requis, parce qu'on sait qu'en ville, l'espace, c'est une denrée rare, c'est pratiquement un luxe. Donc les gens qui n'ont pas de balcon, ils n'ont pas de, tu sais, ils devraient avoir accès à des installations ou à des moyens de faire de l'agriculture urbaine pour leurs propres besoins. Donc c'est l'intérêt de maximiser les espaces disponibles, bon, comme les toits ou les terrains vacants non contaminés, tu sais. Et on y pense pas toujours, mais justement, il y a eu un article aussi qui est sorti aujourd'hui. Les écoles offrent des terrains sous-utilisés qui sont souvent bétonnés. C'est vrai, des cours abandonnés. Oh, ben, abandonnés. C'est des terrains sans l'été. Désaffectés. Ouais. C'est bétonné, puis c'est désert en été. C'est complètement inutilité. Inutilisé. Donc, ça serait quoi de faire des installations d'agriculture urbaine en bac ou peu importe la façon de le faire, ou carrément de rendre ces espaces-là dans le ville béton et de mettre du gazon ou de mettre de la terre, carrément. Ça serait quoi? Donc, il y a la direction de nombreuses écoles, puis il y a beaucoup de parents d'élèves qui reconnaissent le fort potentiel éducatif dans la création des potagers dans les zones scolaires. Donc, c'est une riche expérience de sensibilisation. Il y a plusieurs études qui le démontrent vraiment. Puis c'est une très forte valeur éducative d'initier les jeunes au jardinage, en particulier les jeunes qui n'ont pas nécessairement de contact avec la nature. C'est pas donné à tout le monde là, d'avoir un chalet. C'est ça. Donc, c'est pas tout le monde qui a eu ce contact-là. Donc, c'est de savoir qu'est-ce qu'on mange exactement. C'est vraiment... Ça n'a pas de l'épicerie, ça n'a pas poussé dans le... Ça n'a pas poussé dans le bac. Dans le bac à l'épicerie, ça n'a pas poussé dans le bac. C'est ça. C'est fun aussi pour des enfants de voir les légumes pousser. C'est très valorisant. C'est très de faire les dégustations, tu sais. Mais il y en a qui avaient des oppositions à ça. Oui, c'est bien beau, les enfants vont partir le légume au printemps, mais qu'est-ce qui va arriver pendant l'été qui va s'en occuper? Mais à ce moment-là, les terrains de jeu, t'sais, on parle... Les camps de jour, tout ça. Les camps de jour, tout ça, vont continuer à s'en occuper. Mais puis il y a sûrement des citoyens qui seraient très, très heureux de pouvoir s'en occuper. Il y a des listes d'attente dans les jardins communautaires. Des listes d'attente de 3-4 ans, expérience personnelle. Voilà. Alors, en terminant, à quoi pourrait-on s'attendre en tant que... En tant que d'autres projets d'agriculture urbaine à Québec? À Québec même, le Québec est plein de trous. Tu sais, c'est ça. Vous savez, c'est des espaces qui sont libres de toute construction. Le Conseil régional en environnement estime qu'il y a plus de 1000 hectares de terrain en friche ou sous-développés le long des grandes artères à Québec. Donc, la tendance en ce moment-ci à Québec, notamment, c'est la densification du tissu urbain. Donc, ça serait pas mal irréaliste là, de vouloir consacrer l'ensemble de ces espaces vacants là, à l'agriculture. Mais il serait irresponsable de ne pas aménager ces terrains-là de façon à favoriser la pratique de l'agriculture urbaine, soit en prévoyant des structures capables de supporter des toits verts, comme je le mentionnais, ou des systèmes de compostage d'utilisation d'eau de pluie. D'accord. Voilà. Donc, avec une certaine volonté politique, sociale, l'agriculture urbaine pourrait devenir une partie intégrante de l'aménagement urbain. Donc, oui, c'est tout à fait. Ça ferait bénéficier au bénéfice de tous, finalement. Effectivement. Donc, merci beaucoup pour ta chronique, Geneviève, en espérant que ça fasse son chemin. Merci.